conformément à l'article L21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. En tant que doyenne des membres du Conseil municipal élu le 28 juin 2020, j'assurerai la présidence de cette séance d'installation jusqu'à l'élection du maire. Tout d'abord, je déclare installés dans leur fonction de conseillers municipaux les élus suivants. Tony Di Martino, Elam Chahir, Édouard Denouel, Anne De Rugy, Jean-Claude Oliva, Gianji Biro, Olivier Taravella, Émilie Trigo, Shoki Haddad, Merle Anne George, Cédric Pape, Yasmina Sadoud, Izen Ounissi, Valérie Bille, Brahim Akrour, Anne Gerval, Grégoire Daniel de Laganerie, Edith Félix, Karamoko Sissoko, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Manon Chrétien, Frédéric Gabin, Kaline Trébic, Mahamadou Silla, Yalana Dino, Vassindou Sissé, Zora Kelly, Hamid Chahir, Ndeye Mariem Diop, Abdelkrim Karmaoui, Laurent Jamet, Claire Laurence, Mohamed Jinan, Raquel Garrido, Sébastien Stellens, Angéline Desbordes-Silly, Pierre Vionnet, Solène Lebouris. Conformément à l'article L21-21-15 du CGCT, un secrétaire doit être désigné pour l'élection du maire et des adjoints. Je vous propose de désigner M. Abdelkrim Karmaoui pour assurer le secrétariat de la séance. En êtes-vous d'accord? M. Karmaoui est donc désigné secrétaire de séance. Je vais désormais procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Je vous remercie de répondre présent ou de lever la main à l'appel de votre nom. Tony Di Martino. Présent. Elam Chahir. Présent. Édouard Denouel. Anne De Rugy. Jean-Claude Oliva. Gianji Biro. Présent. Olivier Taravella. Émilie Trigo, Shoki Haddad, Merle Anne George, Cédric Pape, Yasmina Sadoud, Hissène Ounissi, Valérie Bille, Brahim Akrour, Anne Gerval, Grégoire Daniel de la Gasnerie, Edith Félix, Karamoko Sissoko, Brigitte de la Perelle, présente, Daouda Keïta, Manon Chrétien, Frédéric Gabin, Kaline Trébic, Mahamadou Silla, Yalana Dino, Vassindou Sissé, Zora Kelly, Hamid Chahir, Ndeye Mariem Diop, Abdelkrim Karmaoui, Laurent Jamet, Claire Laurence, Mohamed Jinan, peux l'accorder. C'est vous qui décidez, vous pouvez mettre aux voix. Je vais mettre aux voix. Attendez juste que je leur dise. Oui. Pour qu'ils puissent agir en conséquence. J'interromps la séance, le temps. Après l'appel. Après l'appel. Raquel Garrido, Sébastien Stellens, Angéline Desbordes-Silly, Pierre Vionnet, Solène Lebouris. Nous avons une proposition de l'opposition. Nous attendons. Une proposition qui sera mise aux voix. Votre attention, s'il vous plaît. La proposition, donc, est le huis clos que je vais mettre aux voix. À main levée. Qui est pour le huis clos ? Donc j'en retiens que le huis clos n'est pas retenu. Qui est contre le huis clos ? Le huis clos n'est pas retenu. En tant que présidente, j'invite les élus de l'opposition à se joindre à nous. Je signale que tout est retransmis, donc ils entendent exactement tout ce que je dis. Donc je réitère mon message, j'invite les élus de l'opposition à entrer et en vertu des règles sanitaires qui nous sont imposées, toutes les places sont occupées pour les personnes les accompagnant. Je laisse une minute et nous poursuivrons. Mesdames, Messieurs les élus, soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. Bien, je vais continuer l'appel. Je vais donc vous inviter à lever la main ou dire présent à l'énoncé de votre nom. Laurent Jeannet. Présent. Claire Laurence. Présent. Mohamed Jenan. Présent. Raquel Garrido. Présente. Sébastien Stellens. Angéline Desbordes-Silly. Pierre Vionnet. Solène Lebouris. Je constate que le quorum est atteint. Madame la Présidente, je souhaite prendre la parole, s'il vous plaît, au titre du règlement intérieur. Oui, je peux. Je suis Raquel Garrido, membre du Conseil municipal, et je souhaite prendre la parole très succinctement par rapport à l'incident que nous venons de vivre à l'instant. Des bagnoletais se plaignent depuis tout à l'heure. Alors attendez, Madame Garrido, je ne vous ai pas déjà donné l'autorisation. C'est de droit quand on fait un appel au règlement intérieur. Succinctement, je vous donne l'autorisation. Je vous remercie, Madame la Présidente de séance. Je souhaite être le relais de la stupéfaction de nombre de nos concitoyens de Bagnolet ce soir qui se sont présentés aux portes de la mairie aux heures dites pour venir assister à ce conseil municipal et qui ont constaté que d'autres bagnoletais passaient par des voies latérales, annexes, en priorité à cette salle, donnant une composition faussée, déloyale, de la représentativité de notre commune. C'est quelque chose, en tant que membre de l'opposition, que nous ne pouvons pas accepter, et en tant que simple citoyen, respectueux de l'égalité de chaque citoyen devant la loi. Donc, nous ne l'acceptons pas. Nous n'allons pas demander à ce que les personnes ayant bénéficié de ces privilèges se lèvent et se partent, et partent pour laisser la place aux autres, parce que ça demanderait finalement un choix individuel à chacun d'eux de renoncer à ces privilèges. Mais ça, c'est quelque chose dont nous aurons amplement le temps de parler pendant 6 ans de mandat. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame Garrido, d'avoir été rapide. J'invite maintenant le Conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'en application des articles L21-22-4 et L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Je propose également au conseil municipal d'être assisté pour le dépouillement des votes par 2 assesseurs, Madame Diop et un membre de l'opposition. Voulez-vous ? Alors, nous sommes 2 hommes, 2 femmes. Il manque un homme. Qui aimerait parmi vous être assesseur ? Monsieur Stalens. Monsieur Stalens. Oui. Non. Mohamed Gélal, alors. Oui. Ils seront aidés par 2 membres de l'administration qui ne font pas partie du bureau. Quels sont les candidats aux fonctions de maire ? Je reçois la candidature de M. Tony Di Martino. Y a-t-il d'autres candidatures ? Je récapitule. Y a-t-il d'autres candidats avant de récapituler ? Donc, je récapitule. Se présente candidat Monsieur Tony Di Martino et Monsieur Laurent Jamais. Nous allons procéder au vote. J'invite les conseillers municipaux à écrire le nom du candidat à qui ils souhaitent accorder leur suffrage sur le bulletin vierge qui leur a été remis et le mettre sous enveloppe. J'invite maintenant chaque conseiller municipal à venir déposer son bulletin dans l'urne à l'appel de son nom. Tony Di Martino. J'anticiperai un peu et j'appellerai la prochaine personne qui sera Elham Shahir. Elan Chahir. Le prochain sera Édouard de Noël. Ensuite, Anne de Rugy. Jean-Claude Liva. Gianni Biru. Olivier Taravella. Émilie Trigo. Shoki Haddad. Merle Anne Church. Cédric Pape. Yasmina Sadoud. Hissène Ounissi. Valérie Bille. Brahim Akour. Anne Gerval. Grégoire Daniel de Laganerie. Edith Félix. Karamoko Sissoko. Brigitte de la Pérenne. Daouda Keïta. Manon Chrétien. Frédéric Gabin. Caline Trébic. Mahamadou Sila. Yalana Dino. Vassindou Sissé. Zora Kelly. Hamid Chahir. Ndeye Mariem Diop. Abdelkrim Karmaoui. Laurent Jamais. Claire Laurence. Mohamed Jenan. Raquel Garrido. Sébastien Stellens. Angéline Desbordes-Silly. Monsieur Jamais, vous avez le pouvoir pour Monsieur Vionnet ? Non. C'est vous qui l'avez ? Alors Pierre Vionnet. Et Solène Le Bourris. Je vous remercie. Les membres du bureau vont désormais procéder au dépouillement. J'appelle à l'urne. Il y avait Madame Diop et Monsieur Djenan.

peux revoir, oui. Je vous donne lecture de la feuille de résultat. Nombre de votants, enveloppe déposée, 39. Nombre de suffrages exprimés, 39. Ont obtenu M. Tony Di Martino, 31 voix, M. Laurent Jamet, 8 voix. La majorité absolue étant à 20 voix, M. Tony Di Martino, ayant obtenu 31 voix, est élu maire. Je vais remettre l'écharpe à Monsieur le maire. Merci Brigitte. Donc je reprends le cours de ce conseil municipal. Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec émotion, fierté et humilité que je me tiens devant vous en cette maison commune alors que vous venez de m'élire maire de Bagnolet. Je veux vous dire que la confiance que vous m'accordez, ainsi que les Bagnoletaises et les Bagnoletais, est un honneur et une obligation qui m'est faite, qui nous est faite. Cet instant est un moment singulier, tant dans la vie d'une collectivité que dans la vie d'un homme. C'est un moment fort à plus d'un titre. D'abord personnellement, enfant de Bagnolet, je suis, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous, dans cette enceinte viscéralement attachés à notre ville. C'est parce que nous avons Bagnolet au plus profond de ce que nous sommes que nous avons souhaité nous dévouer à son service. C'est pour cette raison que nous avons à cœur d'être ambitieux et exigeants pour notre ville. Bagnolet n'est ni la petite sœur docile de qui que ce soit, ni un no man's land, ni enfin un territoire de relégation. Notre ville compte et doit compter plus encore demain, et pas seulement pour les réserves foncières qui sont les siennes. Aujourd'hui, nos cœurs battent à l'unisson pour Bagnolet. Le 28 juin dernier, les Bagnoletaises et les Bagnoletais ont fait le choix d'une ville écologique, solidaire et citoyenne. Néanmoins, gardons à l'esprit que sur les 18 252 électeurs inscrits, seuls 6 645 se sont rendus aux urnes. N'oublions jamais que les 63,6% des électeurs bagnoletais qui ont fait le choix de se détourner de l'élection doivent être pleinement entendus. Il nous appartient collectivement, dans cette enceinte et au-delà, d'être à l'écoute, d'être disponible et d'entendre celles et ceux qui n'ont pas souhaité s'exprimer par le vote dimanche dernier. Les résultats électoraux n'en restent pas moins légitimes tant l'écart de 11 points ne souffre d'aucune contestation. La confiance qui nous a été accordée est pour moi un honneur. Elle est pour nous une fierté. Elle nous oblige. Elle nous oblige parce qu'une nouvelle page se tourne aujourd'hui et qu'il nous faut l'écrire ensemble. Peu de villes sont aussi politiques que Bagnolet. Peu de villes ont aussi profondément ancré dans leur histoire la chose publique. Peu de villes ont aussi fortement ancré dans leur gène la passion du débat public. En nous tournant sur notre propre histoire, nous mesurons combien cet amour de la politique peut parfois conduire à des débats âpres et malheureusement parfois à des excès au-delà du champ de la politique. Je formule le vœu aujourd'hui que l'apaisement de la ville qui a été notre obsession au cours du mandat précédent puisse perdurer à nouveau au cours de ce nouveau mandat qui s'ouvre aujourd'hui. Nous en sommes toutes et tous, comptables, et j'y veillerai personnellement. Mes chers collègues, nous avons entre les mains le devenir des débats qui se déroulera pour les 6 années à venir dans cette salle du Conseil et qui, espérons-le, déborderont bien souvent de ces murs. Soyons toutes et tous les garants d'un débat démocratique respectueux des femmes et des hommes qui s'engagent pour notre ville. À la nouvelle majorité qui prend place ce soir, je veux dire combien il nous faudra, combien il vous faudra porter haut cette exigence qu'il nous faut avoir pour la ville. Parfois, il faudra faire contre vents et marées. L'adversité sera notre quotidien, mais nous devrons toujours garder en tête pourquoi nous avons choisi de nous engager au service des Bagnoletais. Face à l'adversité à laquelle nous serons quotidiennement confrontés, la seule réponse qui vaille, c'est d'être encore plus exigeant. Que vous soyez nouveaux élus ou des élus plus expérimentés, vous êtes légitimes. Nous sommes tous légitimes pour fixer ce nouveau cap pour notre ville. Les Bagnoletaises et les Bagnoletais l'ont voulu ainsi. Gardons toujours en tête les raisons qui nous ont poussés à nous engager au service de notre ville. Nos ambitions ne sont pas personnelles, mais c'est une ambition pour notre ville, pour Bagnolet. C'est une ambition pour notre territoire, c'est une ambition pour les Bagnoletaises et les Bagnoletais. Ne le perdons jamais de vue. C'est avec ces principes chevillés au corps que nous allons désormais dessiner ensemble cette ville plus écologique face à l'enjeu de notre siècle, plus solidaire face à la crise économique et sociale qui vient, et plus citoyenne pour donner une place toujours plus grande aux citoyens dans nos décisions. À la nouvelle opposition municipale qui s'installe elle aussi ce soir à nouveau dans ses murs, je veux vous inviter à être vous aussi exigeant, parce que votre exigence vis-à-vis de la majorité sera la garantie de notre capacité à faire ensemble les meilleurs choix pour notre ville. Je ne vous dis pas que tout ce que nous ferons sera parfait, les 6 années passées ne l'ont pas été, mais je puis d'ores et déjà vous garantir que la seule boussole qui nous guidera sera l'intérêt de Bagnolet et de ses habitants. Je sais que nous aurons ici, nous avons d'ailleurs déjà commencé à les avoir en dehors de cette enceinte au cours de la campagne qui s'achève, il y a des échanges animés sur la place et le rôle des élus et leur rapport à la population. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je serai le garant vigilant et pointilleux que notre fonctionnement ne déborde jamais du cadre légal et réglementaire dans lequel il nous appartient d'évoluer. Mes chers collègues, encore une fois, je veux vous remercier pour votre engagement et par votre intermédiaire, remercier l'ensemble des bagnoletaises et leur dire combien je suis reconnaissant pour leur confiance qu'ils m'ont accordée, ainsi qu'à l'équipe que j'avais l'honneur de conduire. Mes chers collègues, cette confiance est la marque de l'espérance que les bagnoletaises et les bagnoletais ont pour notre ville. Vive les bagnoletaises et les bagnoletais, vive Bagnolet. Merci. Nous allons à présent fixer le nombre d'adjoints au maire qui est de 14, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Monsieur Taravella. Monsieur le maire, la majorité municipale nouvellement installée fait la proposition d'une liste pour les fonctions d'adjoint au maire. La liste est la suivante. Premier adjoint au maire, Olivier Taravella. Deuxième adjointe au maire, Elam Cher. Troisième adjoint, Édouard De Noël. Quatrième adjointe, Émilie Trigaud. Cinquième adjoint, Jean-Claude Oliva. Sixième adjointe, John Gibiro. Septième adjoint, Cédric Pape. Huitième adjointe, Yasmina Sadoud. Neuvième adjoint, Shawki Haddad. 10e adjointe, Edith Félix. 11e adjoint, Brahim Akrour. 12e adjointe, Merlane Georges. 13e adjoint, Grégoire de Laganerie. 14e adjointe, Anne Gerval. Donc, nous allons procéder au vote. Monsieur le Président du Conseil municipal, nous sollicitons conformément au règlement intérieur un vote à bulletin secret sur chaque C'était maire prévu, adjoint. Madame la conseillère municipale. Ça tombe bien. Alors pourquoi il n'y a pas les enveloppes? Non, c'est un scrutin de liste. Alors justement, ce n'est pas ce qui est prévu par la loi et le Code la général loi, des collectivités territoriales. Madame Garrido, la loi prévoit un scrutin de liste. Non. Je vous invite à vérifier. Non, la loi prévoit, je vous invite aussi à vérifier. Bon. Donc les nous allons sont procéder là pour ça. À un scrutin de liste comme le prévoit la loi. Et je vous invite à relire le Code général des collectivités c'est territoriales. C'est fait, monsieur le maire. Je l'ai lu. Ne présumez pas de mon ignorance, ni de ma fainéantise, ni de mon manque de diligence. Non. Donc vous venez de nous demander en tant qu'opposition d'être exigeant. Absolument. Je fais preuve d'exigence. J'aimerais l'application stricte de la loi. Il est de droit pour chaque vote nominal. En plus, c'est prévu dans notre règlement intérieur de ce conseil municipal. Il est prévu pour chaque vote nominal la possibilité de faire un vote à bulletin secret. Et donc, ça, par définition, c'est individuel. Le vote est à bulletin secret et il s'agit d'un vote sur une liste. Donc, nous allons procéder aux voix. Vous courez un risque d'illégalité, là, hein, je vous préviens. Ce sera noté au procès-verbal que le vote individuel a été demandé conformément au Code général des collectivités territoriales. Si vous souhaitez passer outre le Code, c'est à vos risques et périls sur le plan juridique. Donc, je vais vous donner lecture de l'article L21-22-7-2. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Voilà la réponse, chère femme. Donc, je vais appeler chaque élu à voter. Donc, Tony Di Martino. Elham Shaïa. Édouard de Noël. Anne de Rugy. Jean-Claude Oliva. Junji Biro. Olivier Tarabella. Émilie Trigo. Choki Haddad. Merlan George. Cédric Pape. Yasmina Sadoud. Hissène Ounissi. Valérie Bille. Brahima Krour. Anne Gerval. Grégoire Daniel de la Gannerie. Edith Félix. Karamoko Sissoko. Brigitte Delaperelle. Daouda Keïta. C'est Brigitte d'abord. Manon Chrétien. Frédéric Gabin. Caline Tribic. Mamadou Sila. Yalana Dino. Vincent Doucissé. Zora Kelly. Amit Chahir. Mariam Diop. Abdelkrim Karmaoui. Laurent Jamais. Claire Laurence. Mohamed Jenan. Raquel Garrido. Sébastien Stalens. Merci. Angéline Desbordes-Silly. Pierre Vionnet. Solène Le Bourris. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Blanc. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Blanc. Blanc. Olivier Taravella. Olivier Taravella.

Donc, nombre de votants, 39. Nombre de suffrages déclarés nuls, 3. Nombre de suffrages blancs, 5. Nombre de suffrages exprimés, 31. Ont obtenu la liste présentée par la majorité municipale et conduite par M. Tarabella, 31 voix. Donc, nous allons à présent appeler les adjoints dans l'ordre du tableau. Olivier Tarabella, premier adjoint au maire. Elham Chahir, deuxième adjointe au maire. Édouard de Noël, troisième adjoint au maire. Émilie Trigaud, quatrième adjointe au maire. Jean-Claude Oliva, cinquième adjoint au maire. Djondji Biro, sixième adjointe au maire. Cédric Pape, septième adjoint au maire. Yasmina Sadoud, huitième adjointe au maire. Choki Haddad, neuvième adjoint au maire. Edith Félix, dixième adjointe au maire. Brahim Akrour, onzième adjoint au maire. Merlan Georges, douzième adjointe au maire. Grégoire de la Gannerie, 13e adjoint au maire. Et Anne Gerval, 14e adjointe au maire. Donc, conformément aux dispositions en vigueur, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local. Déjà, monsieur, monsieur Jamet. Déjà prévu, vous la parole, sur laquelle l'élection du maire, l'élection des maires adjoints. Ben, monsieur Jamet, il suffit juste de lever la main pour demander la parole. Il n'y a pas de problème. Mais si vous me permettez, il me semblait que Mme Garrido avait déjà parlé. Donc on n'empêche personne de parler. Vous avez la parole, monsieur Jamet. Chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour l'élection de la municipalité. Dans l'ensemble des villes, c'est généralement un moment de cohésion, de fête souvent. L'administration générale nous a averti hier par mail que la nouvelle municipalité craignait ce soir des débordements. On l'a vu d'ailleurs avec les difficultés qu'on a pu rencontrer pour entrer dans cette salle, y compris nos différents amis. L'heure ne semble pas la liesse. Étrange climat que celui de notre ville, où la nouvelle municipalité semble craindre sa population. Ce second tour, ce long second tour, marquera longtemps celles et ceux qui l'ont mené. La maladie, les morts, nos morts, dans un département si touché et battant des records de mortalité. La peur d'aller voter, la crise sociale qui s'annonce avec un nombre de licenciements dans tous les secteurs de l'économie. Une défiance, croissance vis-à-vis des politiques qui frappent aujourd'hui de plein fouet l'élection municipale qui en était jusqu'alors épargnée. Tout cela concourt à une abstention record avec 63,59% qui restera le vrai vainqueur de l'élection municipale. Nous remercions les 2766 électrices et électeurs qui ont accordé leur confiance au projet que nous portions et à la liste « Ensemble, changeons la ville », rassemblant des hommes et des femmes engagés au PCF, à la France Insoumise, à Europe Écologie Les Verts, à Bagnolet Initiative Citoyenne et à Bagnolet Plus. Notre résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances et nous partageons la déception de ceux qui souhaitaient voir notre ville prendre le chemin de l'espoir, du progrès et de la justice. Nous avons une pensée ce soir pour celles et ceux que nous voulons incarner, les femmes et les hommes qui souffrent de la crise, chômeurs et précaires, celles et ceux, agents hospitaliers, caissières, employés de supermarché, les agents de tous les services publics qui étaient à l'avant-poste au début sans protection pour tenir le pays debout. Ce second tour s'est déroulé dans un climat délétère, exécrable, mensonge, calomnie, et je pense que cela laissera des traces. Cette campagne a été marquée par l'explosion de mauvaises pratiques. Cette suspicion a émaillé toute la campagne de rencontre en rencontre, de rendez-vous en rendez-vous. Au-delà même du résultat, comme garantie démocratique, il est temps de mettre fin à une expérience, celle initiée en 2005, il y a 15 ans, celle du vote électronique. Trop d'images, de vidéos, trop de vidéos circulent aujourd'hui dans la ville, sur les réseaux, sur WhatsApp. Ce qui pose question, c'est le processus électoral qui peut être dévoilé de bout en bout. Ce qui pose question, c'est pourquoi un certain nombre de citoyens ont eu besoin de se filmer. La question restera sans réponse ce soir, mais elle ne manquera pas de rebondir, nous en sommes certains. De la même façon, l'explosion d'insultes, pétards et feux d'artifice devant le local du PCF marquera les esprits, 15 minutes avant l'annonce officielle. Tout comme le fait d'avoir voulu perturber un meeting électoral avec Jean-Luc Mélenchon, agression sans précédent dans notre ville. Nos 8 élus désormais vont défendre ici, dans cette enceinte, nos valeurs, celles d'égalité, de justice sociale, le développement de services publics, de démocratie et d'écologie. Nous sommes debout. Nous serons aux côtés de celles et ceux qui souffrent. Nous serons disponibles, actifs, ici avec les employés communaux auxquels nous pensons, auprès des salariés, des créateurs et gens de culture, des habitants qui se battent pour une ville plus agréable, plus belle, plus sûre, plus durable. Par exemple, nous ne lâcherons pas l'affaire des fûts toxiques de l'entreprise Tomé. De la même façon, nous sommes aux côtés des habitants des coutures et du jardin partagé, également avec les créateurs et actrices culturelles de notre ville. Nous serons à l'écoute des habitants. Je pense ici à Samir Abdallah, locataire à l'OPH, que vous avez rencontré ce matin et qui est à ce jour sans solution, alors même que son logement est dans un état lamentable, ce que vous avez pu vous-même constater. Nous serons aussi à l'initiative cet été pour venir en soutien des élèves privés d'école pendant de longues semaines. Nous continuerons avec le même enthousiasme et détermination comme nous l'avons fait avec Jette Bagnolet pour lancer un grand élan de solidarité. Enfin, la crise qui s'annonce va se révéler sans précédent. Macron, ces jours-ci, annonce de nouvelles mesures antisociales comme par exemple le retour de la retraite à points et l'allongement de la durée de cotisation. Les temps à venir seront difficiles pour les salariés, nos quartiers populaires, les jeunes, les retraités. Localement et nationalement, nous serons aussi une force d'alternative à Macron. Nous ferons en sorte que la population de Bagnolet s'unisse pour parer ces mauvais coups. C'est notre volonté et c'est notre identité. Plus que jamais contre les plans de licenciement pour empêcher que la jeunesse de nos quartiers connaisse comme unique horizon la précarité, contre les fermetures de classes, pour qu'enfin des mesures soient prises pour inverser le changement climatique. J'aimerais répondre à votre question, monsieur le maire, tout à l'heure, de manière inélégante, vous m'avez posé la question, est-ce que je suis toujours là ? Eh bien, notre chemin n'est pas terminé. Nous voulons toujours rassembler la ville, unir social et écologie. Nous continuerons à construire. Merci à vous. Merci, monsieur Jamais. Donc, conformément au texte en vigueur, pardon, non, il y a une prise de parole par groupe, madame. Voilà. Non. Écoutez, il y a la demande de prise de parole de monsieur Jamais qui a été formulée au nom de son groupe. Vous souhaitez vous exprimer ? Allez-y, madame Laurence. Allez-y, madame Laurence. Allez-y. Allez-y. Merci. J'aimerais prendre la parole au nom de la liste que j'ai conduite pour le premier tour et bien sûr au nom de la liste que j'ai rejoint pour le deuxième. Vous dire qu'effectivement, je suis particulièrement fière d'avoir représenté avec la liste conduite par Laurent Jamais l'unité à la fois politique et électorale de Bagnolet, en associant évidemment le communisme et l'écologie. Je pense que cette unité est solide et qu'elle sera solide à l'avenir. Elle est faite pour durer dans le conseil municipal, dans l'opposition et bien au-delà du conseil municipal également. J'aimerais revenir sur le contexte particulièrement violent de cette fin de campagne et sur notamment deux points. Il y a beaucoup de témoignages, de très nombreux témoignages qui nous sont arrivés cette dernière semaine et qui sont particulièrement troublants pour la démocratie dans notre ville. Il y a deux points. Des pratiques dans votre camp, avec une campagne de faux calomnieuse, qualifiant notre liste de raciste. Est-ce qu'il y a des racistes dans cette salle ? Il n'y a pas de racistes à Bagnolet. Voilà. Est-ce qu'il y a des racistes dans cette salle ? Parce que regardez-nous bien, nous sommes de gauche, nous sommes écologistes, et à aucun moment la calomnie ne peut durer. Premier point. La deuxième chose, c'est évidemment les deuxièmes types de témoignages qui nous sont arrivés. C'est la dénonciation d'un clientélisme qui a atteint son paroxysme avec l'achat de votes. 30 euros le vote. Voilà ce qui nous est arrivé. Mais je pense que le conseil municipal mérite. Oui, oui, c'est grave. C'est très grave. Bien sûr que c'est grave, Karamoko. C'est extrêmement grave. C'est le prix de la démocratie, manifestement. Je fais un appel au règlement. Appel au règlement. Peu cher. Appel au règlement. Madame Laurence Seul. Terminé. Non, non, c'est un témoignage. Je porte à connaissance au conseil municipal des témoignages de nombreux bagnoletais. Ils D'accord. sont suffisamment nombreux pour que je porte à connaissance D'accord. ces pratiques. D'accord. Et ça atteint évidemment, comme le disait. Est-ce qu'on peut remettre appel le micro, au règlement, s'il vous plaît. Monsieur le maire, appel au règlement. Est-ce qu'on peut remettre, s'il vous plaît, le micro ? Je fais un appel au règlement, c'est de droit. Madame Laurence Seule. Non, je fais un appel au règlement, c'est dans notre règlement intérieur. Je fais Madame un appel Laurence au règlement Seule. Sur l'article 22 de notre Laurence règlement Seule. Intérieur, monsieur le maire. Vous devez me donner la parole. Mais Madame Garrido, laissez parler Madame Laurence. Non, justement, monsieur le maire, c'est à vous de garantir que Claire Laurence puisse s'exprimer. Bah, or, il y a dans la salle, conformément au privilège d'accès que vous avez donné depuis le début non, de cette soirée, des gens qui eurent Madame Laurence, voilà. Et votre travail, monsieur le maire, c'est la police de la séance. Madame Laurence, donc vous ne devez pas laisser huer Madame des membres Madame de Laurence, ce conseil municipal. C'est votre travail, monsieur Madame le maire. Il y a un autre micro qui fonctionne, s'il vous plaît. Merci. Allô ? Oui ? Ok. Et évidemment, comme le disait Laurent Jamais, ça a atteint son paroxysme quand dans plusieurs points, dans plusieurs endroits dans la ville, l'exultation des petits caïds locaux caïds à locaux. Coups de tirs de mortier, et particulièrement vers le local des communistes dans le centre-ville, vers chez ma mère, ont totalement exulté vers chez à l'annonce du résultat. Voilà un lien bien troublant. Face à ces dérives, nous assurons les Bagnoletais de notre fermeté, de notre transparence, de notre ténacité et de notre, la plus grande vigilance de l'opposition face à une alliance de personnes qui se sont trahies et qui se trahiront encore. Une alliance fragile, une victoire sans gloire, qui représente une alliance qui représente un danger pour l'avenir de notre ville. Alors, Madame Laurence, on ne va pas rentrer dans de grands débats. Je vais juste vous dire deux choses. Depuis 15 jours, on vient me voir, vos colistiers viennent me voir, un membre éminent de votre liste, qui racontait que effectivement on achetait des voix 30 euros. Quelques jours plus tard, on est venu me voir des gens de votre liste qui racontaient qu'on achetait des voix 20 euros. Et 48 heures avant le second tour, des gens de votre liste, vos sympathisants, sont venus nous voir en expliquant qu'on achetait les votes 50 euros. Alors, Madame Laurence, nous n'achetons pas de vote. Souffrez que plus de 55% des Bagnoletais nous aient accordé leur confiance. Souffrez. Absolument. Donc, je vais demander au public, non, s'il vous plaît, je vais demander au public de laisser les débats se poursuivre. Donc, nous allons vous donner lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général et l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Nous allons à présent procéder à la désignation des conseillers de territoire supplémentaires. Pardonnez-moi, juste une petite prise de parole sur la charte de l'élu. Je vous remercie. Cette charte de l'élu, c'est très important. Je vous remercie d'en avoir fait lecture. C'est conformément à la loi. Pour le coup, là, je voudrais demander à tout le monde pardon. Je me suis trompée tout à l'heure s'agissant du vote nominal. Je viens de procéder moi-même à la vérification et j'ai fait perdre du temps, 2-3 minutes précieuses à ce conseil. Je pense que reconnaître ces erreurs, ça fait partie précisément de la diligence, la dignité, la probité, l'intégrité qui sont mentionnées à cet article 1 de l'élu local. Il y a des préconisations dans cette charte qui sont importantes, mais qui sont, de notre point de vue, insuffisantes pour rétablir la confiance entre les citoyens et les élus. Le taux d'abstention montre que nous sommes très loin d'un système apaisé où les personnes sont allantes et confiantes dans notre système démocratique. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé à la ville de Bagnolet d'adopter une charte éthique qui nous engagerait tous, les membres du conseil municipal. C'est une charte éthique et nous en rediscuterons lorsque nous parlerons ensemble du règlement intérieur. dans les prochains 6 mois. Nous proposons par exemple d'accepter tous les 39 autant que nous sommes d'être révocables par les élus, par les citoyens pardon, de Bagnolet, selon des modalités à définir. Nous nous avions proposé un référendum d'initiative citoyenne qui permettrait à 15% des inscrits de demander la révocation de tout membres de notre assemblée. Il y a d'autres propositions aussi qui sont sur la table. Et puis, pour ne pas être trop longue, je voudrais juste rappeler à chacun d'entre nous, je me l'applique également bien sûr à moi-même, c'est que le point numéro 7 dont vous venez de donner lecture, monsieur le maire, évoque l'importance de rendre des comptes des actes et qui ont été pris dans le cadre de la fonction. Voilà. Je rappelle les premiers principes, impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité, ce sont des mots très forts. Or, vous avez, monsieur le maire, la semaine dernière, le 26 juin, vendredi 26 juin dernier, reconnu dans le journal Libération avoir été le commanditaire d'un mail anonyme que vous avez adressé à notre collègue Édouard Desnouelles. C'est un mail d'intimidation pour tenter de le faire chasser de son travail au Sénat. C'est un mail d'ailleurs qui a des forts relents de racisme anti-musulman. Et selon moi, et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, ce mail n'est pas conforme à la dignité, la probité et l'intégrité. Et donc, il y a un hiatus tellement fort entre les principes qui sont affirmés dans cette charte et, par exemple, précisément cet acte-là que vous avez reconnu au journal Libération, que je me pose la question de savoir comment on fait. Parce que si, en fait, il suffit qu'on donne lecture de cette charte à notre première assemblée, mais que derrière, les comportements des uns et des autres violent les principes qui sont énoncés, quels sont les recours de la démocratie? Quels sont les recours? Moi, je considère, je pense que nous devrions consacrer des séances, des moments importants de notre conseil municipal à la vérification de l'application de ces principes, et on pourrait commencer par, pas ce soir bien entendu, mais on le mettrait à l'ordre du jour, commencer par avoir une explication sur ce mail d'intimidation à l'égard d'Edouard Desnouelles que vous avez reconnu, dont vous avez reconnu être le commanditaire, qui a choqué à juste titre beaucoup de nos concitoyens. Je vous remercie. Garrido, des procédures sont en cours, des procédures pénales sont en cours. Donc effectivement, un certain nombre de choses se régleront là où elles doivent se régler. Ben voilà. C'est ici, monsieur. C'est la maison commune ici. Je vous propose de passer à la désignation des conseillers territoriaux. C'est bien dommage de le prendre comme ça. Reste ensemble. Voilà. Donc, nous allons proposer au vote la désignation des représentants au sein du conseil de territoire, considérant que Anne de Rugy nous représente à la métropole du Grand Paris et siégera de fait au conseil de territoire. Donc il nous revient de désigner les conseillers de territoire complémentaires. Olivier Taravella. Monsieur le maire, donc, la liste de la majorité municipale présente la liste suivante. Tony Di Martino, Émilie Trigaud, Abdelkrim Karmaoui, Kaline Torwitch, Jean-Claude Oliva et Manon Chrétien. Merci. Monsieur Jamais. Visiblement, selon les règles du calcul, il devrait rester un poste en opposition. Donc nous allons procéder au vote. Donc, Tony Di Martino. Olivier Taravella. Olivier Taravella. Prends l'ordre du tableau. Elham Chahir. Édouard de Noël. Émilie Trigaud. Jean-Claude Oliva. John J. Biro. Cédric Pape. Yasmina Sadoud. Shoki Haddad. Edith Félix. Brahim Akrour. Merlan George. Grégoire de la Gannerie. Anne Gerval. Brigitte de la Perelle. Daouda Keïta. Valérie Bille. Yalana Dino. Abdelkrim Karmaoui. Anne de Rugy. Frédéric Gabin. Vassindou Cissé. Caline Tribic. Hamid Chahir. Karamoko Sissoko. Mamadou Sila. Manon Chrétien. Hissène Ounissi. Zora Kelly. Mohamed Jenan. Sébastien Stalens. Pierre Vionnet. Laurent Jamais. Angéline Desbordes-Silly. Raquel Garrido. Dernier au tableau, par la volonté du prince. C'est très classe. Non, non, il y en a après vous. Maintenant, il y en a deux derrière vous, madame. Vous avez encore perdu une occasion de vous taire. Madame Garrido, vous avez encore perdu une occasion de vous taire. Claire Laurence. Et Solène Le Bouris. Non, non, madame Garrido, ça s'appelle l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des élus, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Laurent Jamais. Laurent Jamais. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Laurent Jamais. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Laurent Jamais. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Tony Di Martino. Laurent Jamais. Laurent Jamais.

Concernant l'élection des conseillers de territoire, nombre de votants 39, nombre de suffrages exprimés 39, ont obtenu Tony Di Martino 31, Laurent Jamais 8. Sont donc élus Tony Di Martino, Émilie Trigot, Abdelkrim Karmaoui, Kaline Tribic, Jean-Claude Oliva et Laurent Jamais. Je vous remercie. La séance du conseil municipal est terminée et une photo est prévue. Une photo de groupe est prévue. Voilà, donc si vous souhaitez rester...